reprenons maintenant notre voyage. Voyage au pays des anges. Voyage au pays de notre âme. Et nous nous installons confortablement. Le dos droit. Les épaules détendues. Sans tension. Et vous portez votre attention sur votre respiration. Elle est douce, profonde. Portez maintenant tout doucement votre attention au creux de la paume de vos mains. Elles sont posées sur vos genoux, tournées vers le ciel. Vous recevez par elles les énergies du ciel. Votre cœur est ouvert. Vous portez maintenant doucement votre attention au creux de la plante de vos pieds. Là, vous ressentez l'énergie de la terre et vous êtes bien, en paix. Vous vous imaginez maintenant dans un paysage que vous connaissez bien, qui vous est familier, et vous marchez. Là-bas, au loin, vous apercevez une lumière resplendissante. Et vous vous en approchez. Dans cette lumière se trouvent des êtres. Vous voyez que ce sont des anges. Des anges qui montent à une échelle. Un être de lumière se présente à vous et vous accueille. Thank you. il vous invite à monter à cette échelle. Vous montez, entouré par les anges, et vous traversez des nuages cotonneux, doux. Vous vous sentez bien. Vous arrivez maintenant au-dessus des nuages, une lumière resplendissante. Un grand être vous accueille. Il vous dit: bienvenue mon frère, je vais te demander de te souvenir. Souvenir de ta vie. Divise-la en 4 parties. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Regarde la première, celle de ton enfance. Tu te revois dans ton corps, au milieu des gens qui t'entourent. Tu revois ta maison. Puis un mot. Un mot se dessine dans ton esprit qui exprime la quintessence de cette période. Considère maintenant la deuxième partie de ta vie, celle de l'adolescence. Tu te rappelles la maison, les personnages. Tu vois ton nouveau corps et un mot. Un mot se dessine qui exprime la quintessence de cette émotion, de cet événement. Regarde maintenant la troisième période, celle de l'âge adulte. Se forme dans ton esprit qui exprime la quintessence de cette partie de ta vie. Tu entres maintenant dans la dernière partie qui aboutit à aujourd'hui. Un souvenir apparaît, peut-être plus précis, plus intense. Et un mot se dessine, qui exprime la quintessence. Rappelle-toi de ces mots. Il vous tend maintenant une coupe de cristal. Vous placez dans cette coupe les quatre mots que vous venez de créer. Vous prenez un peu d'eau à une fontaine et vous remplissez la coupe. Cette coupe, maintenant, vous en buvez le contenu. C'est la force de la richesse de votre passé que vous buvez. Elle vous régénère et vous alimente. Vous pouvez vous appuyer sur cette richesse pour continuer votre chemin. Vous quittez cet ange en le remerciant et vous continuez à monter. Vous puisez dans les mots qui résonnent en vous la force de continuer. Ils vous nourrissent, ils vous alimentent. Vous êtes maintenant très haut. Et vous voyez apparaître un archange, très grand, très lumineux. Il vous dit « Suis-moi ». Il vous amène dans une pièce, une immense pièce. Il s'agit d'une sorte de bibliothèque dans laquelle sont contenues toutes les informations, tous les livres, tous les outils, tous les instruments de l'expression et de la créativité. Votre guide vous les montre et vous demande d'en choisir un. Vous choisissez. Il vous en fait cadeau. Vous repartez de cette pièce et vous remerciez cet archange. Vous continuez votre chemin toujours plus haut. Vous arrivez maintenant au sommet et devant vous s'ouvre un paysage, un désert immense, vide et vierge. Le désert de l'incréé. Tout est possible dans ce désert. Tout est possible dans cette immensité. Vous pouvez créer votre avenir. Pour ce faire, vous allez utiliser le cadeau que l'archange vous a remis. Vous allez créer des formes, des situations, des événements. Lentement, votre esprit s'éclaire. Vos mains s'animent. Votre voix résonne. Et les choses prennent forme. Vous allez rester quelques instants seul à vivre ces moments intenses. Les choses sont simples. Vous pourrez maintenant créer votre vie en utilisant la force de votre passé et les cadeaux des anges. Descendez maintenant lentement, en paix. Autour de vous, le monde s'éveille. Et quand vous le souhaiterez, vous ouvrirez les yeux, vous vous étirerez, vous êtes là. Ici et maintenant.